La relation entre la crainte et la sécurité. Ils disent que la crainte, fondamentalement, ça vient de l'âme. L'insécurité, c'est psychologique. Je vais étudier ça avec vous autres pour vous. Je vais vous donner quelques lignes de pensée sur ça. La crainte, c'est souvent lié à des pulsions fondamentales, irrationnelles. Tandis que l'insécurité, c'est culturel, c'est psychologique. L'insécurité psychologique, ça demande d'être dépassé. La crainte, ça demande d'être maté. C'est deux vibrations bien différentes. Maté, ça veut dire l'homme doit tout faire pour pas en être victime. Dans le cas de l'insécurité, le mon arrive à le dépasser en se testant dans l'expérience. Insécurité, c'est lié à l'intelligence. Crainte, c'est lié avec les émotions. Fait que c'est bien différent. La crainte a tendance à nous paralyser. L'insécurité a une tendance à nous faire prendre de mauvaises décisions. Ça nous défend bien près. La crainte, ça peut être incontrôlable. L'insécurité, ça se contrôle toujours. La crainte, ça viole notre indépendance d'action. Ça la viole carrément. L'insécurité, c'est réellement un manque de centricité de notre part au niveau de l'ego. Fait que c'est bien... C'est différent. La crainte, ça peut être dangereux. À long terme, pendant des situations. Parce que l'insécurité, c'est plus un débat de l'ego avec lui-même. Donc, c'est différent. Si on regardait dans la salle, là, si on faisait une étude de la crainte chez elle, l'insécurité chez elle, la crainte chez elle, la crainte chez lui, l'insécurité, on verrait qu'il y a des... C'est tout différent. C'est tout... C'est pour ça que c'est important pour l'homme éventuellement d'étudier la vie, sa vie ou la vie des autres à partir des plans, parce que... la pensée humaine est trop limitée. On a besoin d'être expliqué le phénomène humain. On ne peut pas seulement y penser parce qu'on arrive éventuellement à tourner en rond. C'est comme les gens qui s'analysent tout le temps. Tu peux t'analyser forever. T'sais. Alors que l'homme doit savoir comment ça marche telle chose, comment ça marche la machine humaine, comment ça marche le psyché, comment ça marche les rêves, comment ça marche la pensée, d'où ça vient la pensée. Pourquoi est-ce qu'on a des pensées intelligentes, des pensées qui sont beaux? Pourquoi est-ce qu'on a des craintes? Pourquoi est-ce qu'on a de l'insécurité? On doit connaître tout de l'homme, de soi-même. Mais pour ça, il faut avoir une communication assez développée avec les autres plans, ou une grande intuition. Si on a une communication télépathique avec les autres plans, avec le plan mental, surtout le plan mental, je ne parle pas des entités astrales, du plan mental, à ce moment-là, tout devient très, très clair. Parce que là, tu tombes dans la science de l'esprit, puis... puis le phénomène humain devient transcendé dans sa condition existentielle. Fait que t'as vite à comprendre, t'as assis, t'es bien dedans, t'es capable de voir l'avenir sans nécessairement en voir tous les contours. T'es moins sujet à l'atrophie de ta conscience, t'es plus dans l'expansion de ta conscience. Tu vis plus par rapport à l'extérieur de toi-même, tu vis par rapport à toi, point final. Tu peux être en relation harmonieuse avec le monde, mais tu vis réellement par rapport à toi. Autrement dit, il n'y a plus de maître au-dessus de toi, ni dans le matériel, ni dans l'invisible. On regarde l'insécurité. Ils disent qu'une raison pourquoi est-ce qu'il y a de l'insécurité dans l'ego, c'est parce que l'ego n'est pas suffisamment appointé à lui-même. Fait que si tu n'es pas appointé à toi-même, pour toutes sortes de raisons, ça peut être la culture, ça peut être la mémoire, ça peut être la mémoire de la race, ça peut être la façon dont tu as été élevé, et ainsi de suite. Bon, à ce moment-là, c'est difficile pour l'homme de ne pas vivre d'insécurité. Quand tu es très, très appointé à toi-même, ben, à ce moment-là, l'insécurité, ça n'existe plus. C'est à ce moment-là que l'homme devient très, très créatif, puis que là, il peut pousser très, très loin les frontières de son esprit puis de sa conscience, puis entrer dans un processus créatif qui n'a plus de fin, qui n'a plus de limite. Moi, un de mes plaisirs dans la vie, là, c'est de... Parce que je parle, je suis en communication avec du monde, je peux m'apprendre à parler avec du monde. Puis des fois, à travers les conversations, je regarde des choses, puis la vie, pour moi, là, c'est un petit peu comme une corde avec des nœuds. Pas la vie, mais la conscience. C'est un petit peu comme une corde de même, là, puis t'as des nœuds sur la corde. Puis quand je suis en conversation avec des gens, ou que je lis des articles, des choses, d'un coup, il y a un problème que l'homme vit qui est comme un nœud. Puis on dirait que mon challenge créatif, c'est de faire éclater le nœud. Mais souvent, le nœud est très, très pas culte. Fait qu'à ce moment-là, ben, je suis obligé d'aller dans... Je suis obligé de faire de l'écriture automatique ou faire de la télépathie directe avec eux autres pour le comprendre. Puis souvent, si c'est trop, trop compliqué, trop subtil, mais je suis obligé d'attendre la conférence pour le faire. Parce qu'il y a des couches, puis des couches. C'est comme des couches d'oignons. Mais effectivement, la conscience, c'est faite de nœuds. Puis quand tu élimines tous ces nœuds-là, là, quand tu n'as plus de nœuds dans ta propre conscience personnelle, ben, l'insécurité, ça n'existe plus. Tu peux avoir de la crainte. Tu peux vivre une certaine crainte, parce qu'il faut que tu sois protégé souvent à travers des mécanismes de réflexe réellement animal pour te protéger. Fait que la crainte, il y a des sortes de craintes qui sont utiles dans la vie pour te protéger. Mais l'insécurité psychologique, ça ne devrait pas exister. Quoi. Fait que l'homme a de la crainte, c'est normal, c'est très bon d'ailleurs. Quand tu es dans une cage à lion, il faut qu'il y ait un petit peu de crainte, sans ça, tu risques de te faire déchirer les pantalons. Tandis que l'insécurité, ça n'a pas sa place dans la vie, dans la conscience de l'homme. Donc, avec l'évolution, ça va disparaître. Donc, il faut comprendre que la crainte, c'est normal, l'insécurité, ça ne l'est pas. Parce que si quelqu'un me disait, bon, mais j'ai de la crainte, telle affaire, mais j'ai la moindre problème avec ça, que s'il me disait, bon, mais j'ai de l'insécurité, telle affaire. Parce que c'est plus fondamental, c'est plus proche de la conscience animale de l'homme. Il peut avoir des bonnes raisons d'avoir de la crainte. Tandis que l'insécurité, il faut travailler ça, éliminer ça. Parce que ça diminue nos vies, ça diminue notre qualité de vie. Ce qui est drôle, c'est que des gens comme vous avez une grande sensibilité. Les gens qui ont une grande sensibilité, comme vous, souvent vont vivre une certaine insécurité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une relation entre la sensibilité et l'insécurité? Pourquoi? Ils disent... Parce qu'ils disent la sensibilité, ils disent que c'est le contact avec une partie de soi qu'on ne contrôle pas. Quand on est sensible, quand on est des êtres sensibles, comme les artistes, ainsi de suite, qui ont des êtres sensibles, sont en contact avec une partie d'eux-mêmes, d'où ils reçoivent une vibration créative, mais qui ne sont pas capables de contrôler. Tu vois ça souvent, les artistes qui vont sur le stage, ils vivent des blocages, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le trac. Le trac. Sur le stage, ils vivent le trac. Il faut qu'ils se mettent en marche. En marche, là, après ça, ça disparaît. Parce que moi, je vais sur le stage, je le trac, j'ai pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai une sensibilité, mais j'en suis pas victime à cause de la fusion. Fait que, il y a une relation entre la sensibilité puis l'insécurité. Et avec le temps, ça s'ajuste. C'est une affaire d'ajustement. Puis une des manières de corriger cette aberration-là, c'est de prendre conscience qu'on est toujours intelligent. Toujours intelligent. Même quand on fait une erreur, on est toujours intelligent. L'homme devrait savoir qu'il est toujours intelligent. À partir du moment où vous questionnez que vous êtes toujours intelligent, vous commencez à vous comparer, là vous êtes fait. L'homme devrait savoir qu'il est toujours intelligent. Puis à partir du moment qu'on commence à s'habituer à réaliser qu'on est toujours intelligent, autrement dit, toujours dans ce flux d'énergie créative-là, éventuellement le flux s'élargit, ça grandit, ça. Puis un jour, bien, tu deviens plus créatif, puis ça ne te dérange plus, puis tes corps sont ajustés, donc tu souffres plus de sens. De sensibilité puis d'insécurité de l'ego. Moi, je peux même pas m'imaginer pas être intelligent. Je suis pas capable. D'être dans ce flux-là, là. Je suis pas capable. Autant c'est anormal pour l'homme, autant pour moi, c'est le contraire. M'imaginer, là, que je serais pas capable de répondre à des questions, là, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que je suis trop dans ce flux-là. Fait que, avec ma sensibilité, alors je ne saute plus de ma sensibilité. Pourquoi? Parce que je ne suis plus victime de l'insécurité de l'ego. Mais ça, c'est avec le temps. Aujourd'hui, je suis habitué. Ça fait 30 ans là, que je suis dans ce processus de fusion-là. Je suis habitué. Mais si je retourne de 30 ans en arrière, 25 ans en arrière, je trouvais ça très, très difficile de toujours être dans le flux de cette énergie-là. Les gens venaient me voir, les gens me parlaient, puis j'avais toujours une réponse. J'étais toujours contre tout, moi. J'étais toujours contre. J'ajustais. Dans tous les domaines de la vie. Puis c'est au cours des années que je suis devenu habitué à plus souffrir de ça. Pour qu'aujourd'hui, bien, c'est évident que j'ai plus d'insécurité. Ça me dérange plus. C'est comme tout est gelé d'un morceau. Fait que c'est important pour nous autres de savoir qu'on est toujours intelligent. Il faut supporter ça, d'être intelligent. Si on ne le supporte pas, ben à ce moment-là, on le questionne. En questionnant, ben on devient insécure. Puis c'est comme un cercle vicieux. Puis plus on est sensible, plus c'est important pour nous autres de pouvoir supporter le fait qu'on est toujours intelligent. Il dit être intelligent, ça ne veut pas dire que vous allez changer la société, ça veut dire que vous êtes capable d'être parfaitement ajusté à votre condition. Quand tu es parfaitement ajusté à tes conditions, tu es intelligent. Puis après ça, tu t'habitues à être de même, puis après ça, tu t'habitues à être plus de même, puis après ça, tu t'habitues à être plus de même, puis c'est là que l'homme devient très créatif. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Il dit, être inconfortable, être dans l'inconfort avec notre vie, il dit, c'est pas accepter qu'on est intelligent. Fait qu'on questionne notre intelligence, on questionne la qualité de notre intelligence, on questionne l'état de notre intelligence, on questionne sa magnitude, et ainsi de suite. C'est de l'ego, ça. C'est sûr que ça nous met à de l'insécurité, puis ça crée toutes sortes d'autres mécanismes de réflexion, comparaison. C'est mortel, se comparer aux autres. Il n'y a rien de plus malade que ça, plus mortel que ça. OK? Question? D'autres questions? On regarde, on étudie avec eux autres l'affaire de toujours se savoir intelligent. Ça, c'est intéressant. Il dit, se savoir intelligent, ça veut dire pas se questionner intellectuellement. Donc, pas se questionner au niveau de l'ego. Il dit, si t'es vitesse à faire des choses qui ne sont pas correctes. Votre boss va dire, oh, t'es boss, t'es bien sans dessin. Mais ton boss, il ne sait pas que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct parce qu'eux autres t'ont retenu ta mémoire. Ils t'ont bloqué temporairement ta mémoire. T'as oublié la filière. Mais le blocage de ta mémoire, ça vient des plans. Tu comprends? Fait que si tu comprends ça, que le blocage de ta mémoire, ça vient des plans, ça n'a rien à faire avec toi, à ce moment-là, ben, tu n'as plus de raison en tant qu'ego de ne pas te croire intelligent, puis de ne pas croire, puis de croire que ce que ton boss te dit quand il dit que tu n'es pas intelligent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Des fois, vous n'avez des portes de mémoire. Vous oubliez le nom de votre mari. Tu as le nom de ton chat, mais tu oublies le nom de ton mari. Tu sais? Les autres, ils s'amusent. C'est parce que vous n'avez pas de télépathie avec eux autres. Sans ça, si vous avez une télépathie avec eux autres, vous direz, mais comment ça fait que j'oublie le nom de ton mari, de mon mari? Il dirait, bon, ben, après, être patient. Comment dire? Il joue avec l'ego pour emmener, à entraîner l'ego petit à petit, à jamais questionner qu'il est tout intelligent. Même si tu oublies le nom de ton mari, tu es intelligent. Même peut-être que si tu oublies le nom de ton mari, c'est très, très intelligent. Tu vois? N'oubliez pas que l'esprit joue toujours avec l'âme. C'est un jeu. C'est un ajustement. C'est un jeu. Fait que c'est important de se savoir tout déjà. Parce qu'à partir du moment où on s'habitue à ça, surtout quand on est jeune, c'est important ça aussi. C'est important tout le temps. Mais quand on est jeune, qu'on va à l'école, puis... je regardais des filles qu'on connaît, nous autres, là, qui sont à l'université, là, puis quand ils sont rentrés dans leur première année d'université, ils se posent la question, ça va-tu marcher? Je suis assez déjà pour l'université. Puis, puis l'ego, l'insécurité de l'ego, ils sont rentrés à l'université, puis il y avait des bonnes notes, des A, puis des A, tu sais. Fait qu'on s'en fait trop pour rien. Je reviens tout de suite. Fait que c'est très important de savoir qu'on est toujours intelligent. Ça veut dire ça, qu'on est toujours dans l'intelligence. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. Et ça prend beaucoup de conscience de soi pour ça, pour savoir qu'on est toujours intelligent. Tout dans notre propre lumière, tout dans notre... Puis une fois qu'on est capable d'absorber ça, ce fait-là, ce phénomène-là, mais là, on, c'est comme si on peut l'absorber plus, on peut l'absorber plus, puis avec le temps, on devient plus créatif. Oui? Ceux qui souffrent de manque d'intelligence, est-ce qu'on peut considérer qu'il existe un remède contre ça, dans le sens que ça se cultive, dans le sens que... L'oisivité de l'esprit, j'aimerais ça qu'on... L'oisivité de l'esprit. C'est intéressant. Ils disent que l'oisivité de l'esprit, c'est un manque de contact avec nos propres ressources intérieures. C'est comme si quand l'homme est oisif au niveau de son esprit, ça veut dire que son attention est connectée avec le monde, mais n'est pas connecté avec lui-même. Si l'homme était connecté avec lui-même profondément, il ne serait jamais oisif dans l'esprit, même s'il ne faisait rien. Parce que l'oisivité de l'esprit, ça n'existe pas quand tu es bien conscient de l'esprit. Mais ça existe quand tu n'es pas conscient de l'esprit, parce que à ce moment-là, ben, tu te connectes avec des choses extérieures qui sont banales. Un homme peut être très, très actif dans le monde et aussi être oisif au niveau de l'esprit. Parce que l'oisivité de l'esprit, c'est un phénomène qui fait en sorte que l'homme est détaché de sa réalité, détaché de sa source, et automatiquement, mais il en souffre parce que la seule chose qui nous remplit fondamentalement, c'est notre propre lumière, et le reste, c'est simplement une game. C'est purement accidentel, c'est purement astral, c'est très secondaire. Tandis qu'un homme qui est très, très dans son esprit, mais il souffre, il vit jamais d'oisivité, il est toujours plein, même s'il fait rien, il est plein. Ils disent qu'il faut comprendre le concept de l'oisivité de l'esprit, comme il l'explique, pas le mélanger avec l'oisivité psychologique qu'on parle en général. Parce qu'il y a deux niveaux d'oisivité d'esprit. Autrement dit, un curé peut dire, mais c'est pas bon l'oisiveté parce que vous allez faire des péchés. Ça, c'est l'Église qui veut tenir occupé pour pas que tu fasses des péchés. Mais au niveau de l'esprit, l'oisiveté, c'est un autre paire de manches. L'oisiveté, c'est une conscience. L'oisiveté, c'est une absence de conscience mentale. C'est un manque ou une diminution de conscience mentale qui fait que dans l'action ou dans l'inaction, l'homme n'est pas plein de lui-même ou n'est pas plein en lui-même. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Se trouver des intérêts, est-ce que ça peut tuer l'oisiveté de l'esprit ou la diminuer? Se trouver des intérêts, ça dépend. Ça, c'est intéressant, cette question-là. Si vous vous trouvez des intérêts parce que vous êtes vide, c'est une chose. Si vous trouvez des intérêts parce que ça fait partie de votre plein, c'est une autre chose. Fait qu'il y a deux façons de se trouver des intérêts. Il y a des gens qui vont se trouver des intérêts parce qu'ils sont vides. Ces intérêts-là, éventuellement, vont mener à rien parce que c'est purement de la compensation astrale. Alors qu'un homme peut se trouver des intérêts qui font partie de son esprit, qui font partie de sa vibration, qui font partie de son plein. Et ces intérêts-là, à ce moment-là, sont des actes créatifs. Ça devient un acte créatif. Aller pisser à temps, c'est un acte créatif. Si tu vas à la toilette à temps, c'est un acte créatif. Si tu vas à la toilette en dehors de ton timing, c'est plus créatif. Là, je pousse ça, là. Je pousse l'image, là. Autrement dit, quand on parle de créativité, on ne parle pas nécessairement d'un acte qui mène à une réalisation à la Michel-Ange. La créativité, c'est un processus qui permet à l'homme d'être harmonisé au niveau de ses corps subtils, de son corps matériel. Alors, quand l'homme est harmonisé au niveau de ses corps subtils, de son corps matériel, mais il est fondamentalement créatif, que cette créativité-là soit exprimée dans une forme plus sophistiquée ou dans une forme très banale, très animale, ça fait partie de sa conscience créative. À ce moment-là, il n'y a plus d'oisiveté possible chez l'homme. Parce qu'il est toujours plein. Il est toujours plein de son esprit. Il est toujours présent dans son esprit. Puis éventuellement, l'homme va dans la conscience télépathique, fait qu'à ce moment-là, il n'est jamais seul dans le monde, même s'il n'y a personne autour de lui. Il disait, supposez tout comprendre de vos vies. Si vous ne comprenez pas tout de vos vies, c'est parce que vous ne vous donnez pas la peine de savoir que vous êtes intelligent. Parce que si vous vous donniez la peine de savoir que vous êtes intelligent, vous ne questionneriez pas votre vie, vos vies. À ce moment-là, vous seriez plein dans vos vies. Puis ça vous donnera une vibration qui mènera à une autre vibration, puis qui mènera à une autre vibration. Parce qu'une fois que l'homme a atteint un certain niveau vibratoire, il pose un autre, puis il pose un autre, puis il pose un autre. Oui. C'est-tu le même processus d'abord pour éliminer une entité? C'est le même processus pour éliminer une entité? Il dit les entités ne sont pas le problème, c'est l'homme qui est le problème. Si l'homme connaît les lois occultes, l'entité elle saute. Si l'homme ne connaît pas les lois occultes, l'entité reste greffée à lui parce que l'entité, ça fait partie de son inconscience astrale, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de son inconscience planétaire existentielle. Si l'homme connaît les lois occultes, autrement dit, tout ce qui a été expliqué pendant des années de temps, à ce moment-là, il n'y a plus de problème avec les entités parce qu'il n'est plus capable de croire. C'est quoi le problème d'une entité dans la conscience de l'homme? C'est que l'homme croit. À partir du moment où tu crois, tu vis un certain niveau d'entitisation. T'es astralisable. T'es pas supposé de croire. Croire, ça fait partie de l'évolution. Ça fait pas partie de l'évolution. Un homme conscient ne peut pas croire. Croire à quoi? Fait que si tu crois moindrement, à ce moment-là, t'as un certain niveau d'inconscience, t'as un certain niveau de vibration astrale, t'es à un certain point enraciné dans ton âme, puis automatiquement, tu vis une subjugation parce que, en tant qu'ego, t'as l'insécurité. de savoir. L'insécurité de savoir, c'est ça ta croyance. C'est tout ça qui met toujours une différence entre la connaissance et le savoir. L'homme de l'évolution, il cherche la connaissance. L'homme d'évolution cherchera sera dans le savoir. Ça ne se cherche pas du savoir, c'est là. Fait que le phénomène de la croyance, ça fait partie, c'est lié à l'insécurité de l'ego. Puis ce que vous appelez, vous autres, des entités. Souvent, les gens disent, bon, ben, comment est-ce que je peux savoir si c'est mon double ou si c'est une entité? Mais tu n'occupes pas de ça. D'ailleurs, tu ne t'évoues pas, fait que tu ne pourras jamais savoir tout de suite, évidemment. Fait que la seule chose que je dis, bon, ben, si c'est intelligent, c'est intelligent, si ça n'est pas, ça n'est pas. Ça vient de régler ton problème. Fait que si tu sors avec une fille qui est bien belle, puis tu as rencontré un soir avec un beau noir, puis tu vis une grosse jalousie, puis tu sens bien à cul, mais là, tu as un problème de jalousie. Fait que tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu vas être astralisé par une entité quelconque, ou si tu n'es pas astralisé par une entité, tu peux même être astralisé par eux autres. Fait que ça n'a pas d'importance qui c'est qui t'astralise. Plus techniquement, tu dois être capable de regarder ce qui se passe, vivre ce qui se passe, puis pas être impliqué au niveau de l'ego. Si t'es pas impliqué au niveau de l'ego, à ce moment-là, tu ne vivras pas de jalousie, puis si t'es pas astralisé, puis t'as pas une entité astrale qui te confine à une expérience de jalousie, ben à ce moment-là, ben, t'as plus de problème. Je sais que c'est dur pour un blanc de voir sa belle blonde partir avec un beau noir. C'est tough. C'est dur, ça. Mais ça fait partie de l'expérience de la vie. Le noir, ils l'ont mis sur son chemin. Comprends-tu? La blonde, elle l'a rencontré, c'était là. Fait que la blonde, elle rencontre mon père, puis... Comprends? Ça fait partie de la vie. Mais si t'es conscient, à ce moment-là, t'es content pour mon père, t'es content pour la blonde. Mais si t'es pas content, à ce moment-là, t'as un gros problème de jalousie. Alors, ils disent, la vie, c'est une game. Là, vous allez dire, mais on peut-tu être sûr? Ça existe-tu, être sûr? Être sûr, ça existe. Il dit, quand tu es sûr d'être sûr, c'est parce que tu n'as plus d'insécurité. Fait qu'à ce moment-là, ils ne peuvent plus jouer sur tes nerfs. Fait que c'est pour ça que tu es sûr d'être sûr. Être sûr d'être sûr, c'est parce que tu as été tellement lavé, cleané, nettoyé. Il n'y a plus de poussière. Fait que, ils n'ont plus besoin de passer le balai. C'est ça, être sûr d'être sûr. En attendant, ils peuvent toujours passer le balai. On appelle ça l'évolution. Comme toi, il dit, tu te questionnes trop. Il dit, lui, il se questionne tellement, c'est devenu une job. Si. Tu comprends? Il faut t'arrêter ça, tu comprends? Étudier, c'est une chose. Questionner, c'est une autre affaire. Moi, j'étudie tout le temps, mais je ne me questionne jamais. Vous autres, vous étudiez pas, vous vous questionnez. Pas pareil. Faites la différence. Une grosse différence entre les deux. Vous avez le droit d'étudier, vous restez vos jours. Mais vous devez en arriver un jour à plus vous questionner. Faites la différence entre les deux. Puis pareil. C'est pas pareil. Ouais, ce qu'il dit. Il dit questionner, il dit c'est pas vrai. Comment est-ce qu'il me dit ça? Il dit, c'est pas avoir la certitude d'accéder à la source avec instantanément. C'est ça le questionner. C'est ça se questionner. Oui. Hein? Se questionner, c'est pas une sécurité. C'est de l'insécurité. Ben oui, c'est collectif. C'est collectif, c'est sûr. Mm-hmm. Se questionner, c'est un corollaire de l'insécurité. Mm-hmm. Moi, quand j'ai ça dans la conférence, je sais pas ce que je vais dire. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis obligé d'aller au tableau et savoir ce que je vais dire. En soir, on veut parler de ça. OK. Rouvre la chambre, puis je vais en parler. Mais si, si je m'en viens de chez nous, puis je dis que c'est que je parle à ce moment-là, c'est pas de tes affaires. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu peux pas avoir d'insécurité. Si tu as d'insécurité dans un cas de même, là, tu vas être bien malheureux. Là, tu as les petits, tu as le trac. Là, ils vont jouer avec mes nerfs. Il dit trop se questionner, c'est pas bon parce que c'est un chat qui se couvre à secret. Là, il faisait une joke. Il dit, lui, il a une grosse queue. Mais c'est une joke. Autrement dit, il se questionne beaucoup. C'est, on dit, wow, ça commet, tu sais. Il dit, trop se questionner, c'est pas bon parce qu'il dit, vous vous habituez pas à supporter votre vide, d'être dans votre vide plein. C'est tout l'intellect qui fait d'overtime, Tu peux pas te comprendre en te questionnant. Comment est-ce que tu te comprends? Il dit, tu te comprends en sachant, en pouvant supporter le fait que tu es toujours dans ton intelligence. Fait que tu fais une gaffe. Ton boss, il dit, t'as pas été intelligent, t'as oublié à filer. Si tu as de supporter le fait que t'es toujours dans ton intelligence, tu vas en arriver à te comprendre, tu vas en arriver à te saisir que ça fait partie de ta vie, ça fait partie des trucs qui jouent entre toi et les plans. Fait que tu vas mettre de côté l'insécurité, puis comme ça, puis éventuellement, tu développes une fondation solide. Puis on vit dans une société compétitive où relation basse patron, la vie est dure, ainsi de suite, mais plus on est testé parce que c'est une vie de compétition, puis c'est une vie où l'homme doit performer. Fait que quand tu es régi par des lois sociales où il faut que tu performes, ben, c'est évident qu'éventuellement tu vas faillir un peu, puis tu vas être critiqué ou tu vas te critiquer toi-même, puis tu vis des états psychologiques abominables. C'est pas surprenant que des gens soient insécures. Mais c'est toutes des illusions, ça. Le boss, il ne sait pas. Le boss n'est pas supposé de savoir que tu te sens intelligent, même si tu oublies à filer. Ça se passe entre toi et toi. Ça. C'est supposé se passer entre toi et toi. Toi, autrement dit, entre toi et eux autres. Comme le phénomène de la créativité. Comment ça marche? La créativité, c'est une énergie qui passe seulement quand vous avez un certain niveau d'ouverture, de liberté intérieure. C'est là que ça passe, la créativité. Sans ça, si vous êtes bloqué, ça ne passe pas. Entre quoi? Le magnétisme dans quel sens? Dans le sens où l'insécurité ça bloque toujours. Ça bloque toujours la créativité. Parce que le magnétisme, c'est simplement l'accordement des corps subtils. C'est ça du magnétisme. Quand tu as beaucoup de magnétisme, parce que le mental est à bonne place, l'émotion est à bonne place, le corps éthérique est à bonne place, le corps physique est à bonne place, tout ensemble, ça crée une plateforme, ça crée une plateforme consistante avec tout le processus créatif de l'homme. C'est ça du magnétisme. Quand on dit, par exemple, tel gars ou telle fille, ils ont du charisme, c'est parce que au niveau mental, émotionnel, ça se tient toute l'affaire. Physique, ça se tient tout. C'est ça du magnétisme. Mais en réalité, ce qu'on appelle la créativité, c'est le mouvement d'énergie à travers des corps qui sont le plus possiblement ajustés. donc des individus qui ont un magnétisme positif. Ça sert, ça, c'est... Mais, ils disent avoir un magnétisme positif, ça ne veut pas dire avoir de la conscience. La conscience, c'est une drôle d'affaire. Tu peux avoir des gens, par exemple, qui sont dans le cinéma, ça a du magnétisme, ça pète le feu, ça rentre dans des restaurants, tout le monde se retourne d'abord, les têtes se retournent d'abord, puis souvent, ça tombe en bas de leur chaise, tu sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la conscience. Fait que la conscience, c'est réellement un contact mental de l'homme avec un autre plan. Autrement dit, tu tombes dans l'occulte de ta conscience, là, puis t'es... Le magnétisme, ça n'implique pas nécessairement conscient. Est-ce que pour un être conscient, le magnétisme deviendrait lui? Pour un être conscient, le magnétisme est l'expression de sa conscience. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça devient une mesure de sa présence dans le monde. Fait que étant une mesure de sa présence dans le monde, mais ça devient aussi une mesure de son travail, ça devient une mesure de son outil de travail. Mais son intérêt n'est pas là. Ça fait simplement partie de l'ajustement de ses corps et la projection dans le monde. Et c'est une mesure de sa conscience. Parce qu'il dit tout le magnétisme, l'utilisation du magnétisme pour le magnétisme lui-même, ça peut mener à de la magie noire, ça peut mener à la domination dans le monde, ça peut mener à... Donc ça va des deux bords, là, ça va être du magnétisme. Moi, j'en connais des gens qui sont très, très magnétiques, qui sont des gens dangereux. Donc si t'es pas réellement allumé, tu tombes dans la trappe, ils vont t'envoyer ça, c'est sûr. Ça, c'est du magnétisme, mais c'est très astralisé, là. Donc ça dépend de ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on le voit. Ce qui doit primer chez l'être humain, c'est sa conscience. Le reste, ça se fait tout seul. Le magnétisme, il se développe naturellement après. Tandis que si une personne cherche à devenir magnétique à ce moment-là, il va entrer dans des processus de manipulation, des processus de conquête, des processus de domination, et ainsi de suite, sur l'environnement. La magie noire, c'est ça. La magie noire, c'est du magnétisme astral. Ils disent, quand vous êtes insatisfait avec ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans la vie, ils disent, cherchez-vous des points de repère, des points de repère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les points de repère, ce sont des façons d'être qui vous vont bien. Il y a des façons d'être, pour n'importe qui, pour un boulanger, pour un médecin, pour un avocat, des points de repère qui vous vont bien. Puis il dit, quand vous avez trouvé un point de repère qui vous vont bien, il dit, cherchez à en profiter le plus longtemps possible. Jusqu'à temps que votre vibration change, pour que ça vous soyez amené plus loin dans votre développement, dans votre recherche, puis dans votre perception de vous-même. Mais chaque être humain devrait être capable de se trouver un point de repère qui convient. Comme moi, j'en ai un point de repère qui me convient, c'est rien faire. J'adore ça, rien faire. Pourtant, je fais toujours quelque chose, je suis toujours actif. Mais rien faire, j'aime rien faire. Parce que quand je fais rien, autrement dit, j'appelle ça quand ma vie est plate. C'est là que je suis le plus créatif. Quand ma vie est plate, là, je suis créatif. Des livres, j'en ai 4-5 dans mon computer, là, puis ah ouais, non, ça marche. Quand ma vie est plate. Mais quand ma vie est toute occupée, là, puis je m'en vais ici, je m'en vais en voyage là, puis je rencontre du monde ici, puis je m'en vais importer ici, je fais rien. Parce que je suis trop excité au niveau de mes sens. Quand là, ma vie devient bien, bien plate, là, assis dans le désert, là, il ne se passe rien, là, c'est là que je suis créatif. Fait que ça, c'est un point de repère pour moi. Quand je vais être créatif, je me coupe du monde complètement, je m'en vais où ce qui se passe rien, je m'en vais où personne ne me connaît, puis d'un coup, là, je deviens créatif. Fait que chaque être humain devrait se trouver son propre repère. Puis quand vous allez découvrir votre point de repère, à ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à la sentir votre créativité, parce que votre esprit pousse, là. Pousse, il veut sortir, pousse. Amenez-vous sur une plage, là. Amenez-vous sur une plage, sur une île, là, à rien faire. C'est plate, là. C'est plate. Puis vous allez voir que vous allez commencer à avoir des idées. Ah, je vais me faire une petite cabane en paille. Hop, je vais me faire du feu. Je vais me frotter du bois. Là, vous allez devenir des Robinson Crusoe. L'esprit pousse tout le temps. C'est une illusion, ça, que l'esprit n'a rien à vous dire, que l'esprit n'a rien à transformer de ce qui est dans le monde par rapport à vous. C'est une illusion. Mais vous êtes tellement occupé à aller dans les malls, comment est-ce que vous dites? What do you call this? Mall? Shopping mall? Vous êtes tellement habitué à aller dans des shopping malls, vous êtes tellement habitué à... Vous êtes toujours dans un processus de compensation. Ah, ça, je vais le développer. Ça, je vais le développer. Ça, c'est intéressant. Je le vois venir. Il dit, on est toujours en compensation. Ce que vous appelez, vous autres, là, la société de consommation, c'est de la société de compensation. De la consommation, c'est de la consommation. Qu'est-ce que j'ai dit? La consommation, c'est de la compensation. Fait que quand tu consommes, tu compenses, puis tu peux pas être créatif. Mais si tu ne pouvais plus consommer, là, tu es à Saint-Nil, là, c'est plate. La vie est à plate. On t'embarre, là, puis on dit, alors, organise-toi. Vous seriez surpris de la créativité que vous auriez. Fait que dans un sens, la consommation, ça tue la créativité. Pourquoi? Il dit parce que l'homme a de la difficulté à ce moment-là à s'atteler à une vibration qui sort de l'ordinaire, une vibration plus haute. Le danger avec la consommation, c'est que ça banalise notre vibration. C'est comme si ça fait de nous autres des êtres humains homologués. Homologués. On est tous pareils. Là, j'étais allé en France dernièrement, là, tu vas en France, là, si t'es rendu, la France, ça s'en vient comme les États, là. T'arrives au coin de la rue, il y a un gros géant, là, il y a un gros shopping mall, puis les Français se plaignent de ça, là, mais ça va venir graduellement. Les shopping malls, les gros centres d'achat, comme ici. La vie s'en vient de plus en plus comme ici, comme en Amérique. Les buildings modernes, là, qui n'ont pas d'allure, parce qu'ils connaissent pas ça, l'architecture moderne américaine, là, ils connaissent. Il y a certains endroits, c'est beau, mais en général, souvent, ça a l'air réellement dégueulasse. Le moderne européen, là. Oui. Est-ce que c'est possible que, dans un contexte de travail, ça s'avère être de la compensation? Il dit, travailler, c'est fait pour payer votre loyer. C'est fait pour vous nourrir. C'est essentiel à votre nature animale. À l'intérieur de ça, il peut avoir une certaine créativité, mais il dit qu'elle est toujours régie par votre civilisation. Il dit que vous pouvez être très bien là-dedans. Il y a des gens qui sont très bien là-dedans, dans un job, très bien. Pas de problème avec ça. Mais ça dépend de la programmation de chacun. Du travail, quel que soit, c'est toujours créatif. C'est quand même un peu ça. C'est toujours nécessaire. Nécessaire. Ouais. C'est toujours nécessaire. Tu travailles, c'est toujours bon. Parce que ça paye ton loyer. Ça paye ta nourriture. Le travail, c'est pour survivre. La fondation du travail. Après ça, ben, tu peux avoir d'autres niveaux plus subtils. Où tu rentres dans la créativité. Mais le fondamental de la job, c'est pour manger. Après ça, ben, il y a d'autres niveaux où ça rentre dans la créativité. Puis dépendant de ton état de conscience, dépendant de comment tu te lèves avec l'environnement, dépendant de ta puissance créative, dépendant de ta capacité de traiter des nouvelles notions dans un monde extrêmement mécanisé, bon, ben, c'est là que tu vois la, jusqu'à quel point tu peux être créatif. Il y a des êtres qui ont plus de... Il y a des êtres qui peuvent plus jouer de leur créativité dans un monde extrêmement contrôlé, dominé, structuré. Ça dépend des individus. Si t'es un avocat, par exemple, puis t'es ben bon avocat, puis t'as du génie, puis tu connais la jurisprudence, puis t'as une mémoire phénoménale, mais tu peux réellement en arriver à faire ce que tu veux quasiment au niveau légal, parce que t'es capable d'instituer une nouvelle notion de justice puis de jurisprudence simplement par ta puissance créative puis ta capacité de mater les vieilles formes puis d'entraîner des nouveaux juges, des nouveaux avocats à voir ou à percevoir le caractère apolitique de toute justice sociale. Si t'es capable de faire ça, ben tu deviens très créatif. Ça, c'est ton génie, c'est ta mission sur Terre. En médecine, c'est la même affaire. En menuiserie, c'est la même affaire. On a toutes des... Au-delà là, de manger, puis se nourrir, puis payer notre loyer, on a toutes des couches plus ou moins créatives de conscience qu'on peut exercer en société. Puis ça dépend de notre programmation. Mais à l'intérieur de ces échelles de conscience créative-là, bien, il faut qu'à un certain moment donné, on soit capable de s'apprécier soi-même. Autrement dit, si tu es un avocat et tu n'es pas capable de faire comme l'autre avocat qui engendre, il faut que tu sois capable d'être bien avec toi, dans ta peau. Là, l'autre question qui me vient, c'est comment est-ce que tu peux être bien dans ta peau quand tu regardes à côté de toi et puis il y a un géant? Tu es un avocat, puis un autre avocat, puis lui, là, il brûle le papier. Comment est-ce que tu peux être bien? Ça, c'est intéressant, ça. Il dit, chaque être humain a un potentiel énergétique qui doit brûler. L'autre avocat, il a le feu dans le cul. Il y a le mental, il y a la psychologie, il y a l'énergie, il y a le vouloir, il y a la volonté. T'as fait des affaires que toi, tu feras jamais. Il va prendre l'avion, il va aller en Europe rencontrer la cour en Belgique, rencontrer tel avocat, il va revenir, il va rencontrer un autre. Il va faire des démarches incroyables pour en arriver à ses fins, à ses buts, et ainsi de suite. Il va se connecter à du monde. Quand il fait des parties, c'est plein de monde. Toi, t'es un avocat, mais t'es pas capable de vivre cette vie-là. Toi, tu veux être avocat, tu veux pratiquer comme tu veux, à ton niveau, aller jouer au golf. Lui, il joue jamais au golf. Il est toujours dans la poursuite de son excellence. Toi, t'es dans la poursuite de ta paix. Pas pareil. Fait que lui, dans sa poursuite de son excellence, fait qu'à ce moment-là, laisse-le faire, c'est son affaire, compare-toi pas à lui, parce que lui, il va te brûler. Parce que lui, c'est une force de la nature. C'est une vierge sur vierge. Une vierge double. Tandis que toi, t'es un petit poisson. Donc reste poisson. Essaye pas d'être une vierge quand t'es poisson. Tu vas être correct. Mais c'est de là, Bernard, que tu dis qu'il n'y a pas de petitesse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petitesse. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petitesse. On a tout le potentiel énergétique nécessaire pour la mission qu'on a sur le plan matériel. Moi, je regarde du monde, là, puis je me dis, c'est des forces de la nature. Ça n'arrête pas. Il y a un gars que je connais à Québec, là, ça, une fois, quand il me... Comment est-ce qu'on dit ça? When you shake your hands? Quand il me serre la main, là, il me brise la main, là, tu sais. C'est normal, là, lui, il fait ce bonjour, comment ça va, là. Il te brise la main. J'ai dit, prends un break, là. J'ai dit, je pourrais plus écrire tout à l'heure, là. Une force de la nature. Incroyable, des gars de même, ça s'arrête pas, t'arrêtes pas ça un train. Tu le laisses aller sur la traque. Fait que moi, je vais pas dire, ben j'aimerais ça être de même, je peux pas de même. Moi, il faut que je monte ma batterie à tous les matins. Lui, la batterie, elle monte à tous les matins. Moi, il faut que j'en monte ma batterie à tous les matins. Tu comprends? On n'est pas pareil, on n'a pas le même potentiel. Tu commences à regarder de même, tu as un complexe d'infériorité, le pipi diminue de même. C'est sûr! Le point humain renverse ce qu'il domine. Le point, ouais. Il dit le point où l'homme renverse ce qu'il domine, c'est dans la volonté pure. Mais il faut que tu saches ce que tu veux. Puis après ça, ben, tu y vas full speed ahead. C'est la volonté intégrale. Comme je disais souvent, un gars dit, bon, mais j'ai pas de job. Ça n'existe pas, ça, il n'y a pas de job. Tu peux pas me dire, il n'y a pas de job. Il y en a 75 millions de jobs. Déplace ton corps, va chercher. Il n'y a une job. Tu as un problème, c'est un job, corrige le problème. C'est rien qu'une affaire de volonté, c'est une affaire de volonté. Sans ça, vous ne pourrez jamais contrôler votre astral. Donc, à ce moment-là, ben, vous ne pourrez jamais en arriver à le sentir, ce fameux point-là, là. Parce qu'il est tout dans la volonté, le point. C'est plusieurs choses, la volonté. Garde la volonté. C'est quoi de la volonté? Je vous donne des échantillons. La volonté, ça peut être, ça c'est intéressant ce côté-là, la volonté, ça peut être de ne pas opposer notre nature à des conditions extérieures. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'un gars, je te donne un exemple, un gars va dire, bon ben je perds toujours mes jobs parce que je ne suis pas capable d'arriver à 9h le matin. J'essaie d'arriver à 9h le matin, je ne suis pas capable. Puis il perd ses jobs, puis il perd ses jobs. Un jour, s'il veut garder sa job, il va falloir qui ne s'oppose pas aux conditions extérieures. Donc, pas s'opposer aux conditions extérieures, ça veut dire 9h le matin, il faut que tu rentres, faut que tu te crisses en bas du lit. Comment que ça prendrait 3h pour te crisser en bas du lit? Faut que tu prennes tous les moyens pour te crisser en bas du lit. Tu vas casser ça, tu vas rentrer dans le point. Parce que tout ça casse. Mais si tu ne fais pas ça, puis tu ne t'opposes pas, tu t'opposes pas ta nature. Autrement dit, tu laisses ta nature s'opposer aux conditions extérieures. Tu ne pourras jamais arriver à 9h le matin. C'est comme les gens ça, qui veulent arrêter de fumer, ils ne sont pas capables d'arrêter de fumer. Tu veux-tu arrêter de fumer ou tu ne veux pas arrêter de fumer? Là, vous donnez toute la. Toute, vous allez toutes me donner l'histoire que c'est de la drogue. Là, c'est que c'est de la drogue. Mais quand c'est le temps d'arrêter de fumer, parce que tu veux arrêter de fumer, t'arrêtes de fumer. Moi, j'ai fumé pendant 44 ans, puis j'ai arrêté le lendemain, c'était final, c'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. C'est sûr, mon corps a eu un choc, puis tout ça, là, mais encore, ça s'ajuste. Fait que ça, c'est le point, ça. Le gars dit, je suis pas capable d'arrêter de boire. T'es toujours capable d'arrêter de boire. Fait que ce point-là, que l'homme a besoin dans la vie pour corriger des excès, whatever it is, il est, bon, il est fondé sur il dit un besoin fondamental de rendre sa vie meilleure. Donc, si tant que tu n'as pas atteint ce point fondamental-là de rendre ta vie meilleure, tu ne le feras pas. C'est pour ça que souvent, le gars fait le cancer avant d'arrêter. Quand il y a le cancer, là, puis le médecin dit, bon, mais il faut que tu arrêtes de fumer, il dit, OK, doc, tu arrêtes de fumer. Mais tant que tu n'as pas eu le cancer, ça fait 15 ans, le cancer est 15 ans plus loin, il va fumer. La boisson, c'est la même affaire. Courir après les femmes, c'est la même affaire. Whatever, ce qu'on fait dans la vie. C'est, on dirait que c'est la souffrance qui nous donne cette volonté-là, ce petit coup de pouce-là. On n'est pas capable de fonctionner là, de manière what do you call it, preemptive? Préventive. Faut avoir le cancer, il faut mourir, faut être rejeté de la société, faut devenir paria, tu sais le faire. comment tu fais la différence entre la prévention et la spéculation? T'sais, on peut être préventif vis-à-vis notre bien-être dans notre vie, mais comment différencier le fait qu'on ne spécule pas sur notre vie? Autrement dit, quelqu'un qui veut améliorer sa vie, ça peut être la spéculation dans laquelle il va faire plusieurs erreurs. Ça dépend de notre éducation. Le problème, c'est qu'on a été mal éduqué. D'abord, en général, on a des parents qui sont sans dessin. Quand tu as des parents qui sont sans dessin, PSD, à ce moment-là, tu ne grandis pas avec des notions culturelles qui bénéficient notre avenir. Un parent qui est intelligent, quand tu es petit ou que tu grandis, il va t'amener lentement. Il va t'enseigner lentement. Pour que quand tu arrives à 13-14 ans, tu ne fumes pas et tu ne prends pas de drogue. Il peut te jouer n'importe quel game, des games que tu fais avec des enfants. Il peut t'amener, des bicycles à gasoline, il considère ça dangereux pour ton tempérament, il va t'amener à l'hôpital, puis il va te montrer des gars qui sont rentrés des murs à 150 000 à l'heure, qui c'est qui ont de l'air. Fait que ça va te régler ton cas tout de suite. Ça, c'est de la prévention. Si on sait que c'est difficile dans la vie, la manutention de l'argent, il va t'apprendre, pendant que tu es petit, 6, 7, 8, 9 ans, à commencer à te faire un compte de banque. Comment faire tes pères, pas attendre que tu aies 60 ans. C'est comme des femmes qui sont mariées et que le gars ne leur a jamais rien enseigné, puis que les femmes arrivent à 50 ans et ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment ça marche, la caisse populaire. C'est pas bien intelligent. Fait que c'est une affaire c'est une affaire d'éducation. Fait que quand tu fais rentrer un enfant, ta job, d'ailleurs, parenter un enfant, c'est l'initier la vie. Puis si moindrement tu ne fais pas partie du PSD, ben à ce moment-là, ben tu commences à lui montrer ça. Fait que quand il est prêt à partir tout seul, il est spécialisé, lui, pour commencer à avoir une vie qui va être agréable. Il sait comment ça marche l'argent, même la santé. Tu commences avec tes enfants quand ils sont jeunes au niveau de la santé. Tu commences avec tes enfants quand ils sont jeunes au niveau de la propriété de leur corps, leur vêtement, et ainsi de suite. Fait que quand tu fais ça lentement, puis tu amènes un enfant en contact avec de la beauté, mais c'est évident que rendu à 18-19 ans, il ne va pas être avec les Hells Angels. Comprends-tu? Il n'y aura pas de vibration. Il va être trop sophistiqué intérieurement. Parce qu'il va avoir été montré toutes ces affaires-là. C'est de la prévention. Il n'y a pas assez de prévention dans l'éducation. Fait que les jeunes grandissent, sont rendus à 13-14 ans, les parents font partie d'une autre génération, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Ils sont foutus. Fait que le jeune est obligé de se débrouiller lui-même, puis se débrouiller lui-même, mais c'est bien, bien difficile aujourd'hui. Parce que nos parents sont sans dessin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fins. Mais souvent, du monde qui sont trop fins ne sont pas assez intelligents. Parce qu'être trop fin, ce n'est pas toujours bon. Mais être intelligent, c'est toujours utile. Les parents trop fins, là, ça ne désastralise pas des enfants. Ça rendu, le gars, il fait son affaire à 17, 18, 19 ans, il rendu après ça, puis la bonne femme a pleuré. Attends devant le juge, puis elle dit, bon, mais j'ai fait mon possible pour mon petit. Pourquoi? Un manque de prévention. Je l'ai déjà dit.